Bon, bah vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Chucky, pour la Noche Flamenca. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Restez calés sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Olé! Bon, ben, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie. Pour la note chef Flamenca, je vais vous mettre un peu de chansons de Noël. Comme c'est bientôt Noël, que ça arrive la semaine prochaine. Bon, ben, je vais vous mettre des chansons.

amigo a mí me ha hecho daño. Llegar a ti de bondad, ay, porque tú tengas dinero, ay, ya no te entre y tengo mal, ay, eso son tú no le pegues más ya a mi madre. Y calla por Dios, padre mío. Mira que si tú eres mi padre, ahí está, ahí la que me ha parido, ay, yo no consiento. Mira que me hace. Bon, bah, vous restez calés. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la note chez Flamenca. Je vais vous mettre un peu de chansons de Noël. Comme c'est bientôt Noël, la semaine prochaine, je vais vous mettre quelques chansons. Este instante pues Dios se ha hecho hombre y el hombre desde ahora es ya un hijo de Dios. Es mágico este tiempo y es mágica esta tierra porque hoy se ha convertido en hogar del Señor. Thank you. Thank you. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie pour la note chez Falmanca. Je vais vous remettre des chansons de Noël, comme c'est bien Noël la semaine prochaine. Voilà, je vais vous mettre des chansons de Noël. Se ponen tristes. pastores ya están bajando, traen mil ilusiones en el morral. Hoy todos los senderos están cantando, gloria a Dios que ha venido a traer. Por fin la esperanza no es solo un sueño, hoy todas las promesas son realidad. Ha nacido el Señor, hay que celebrarlo, el mundo es una fiesta. Sirvió de guía a nuestros queridos magos, oro Tremelchor, incienso Gaspar y olorosa mirra letra de Baltasar. Oro Tremelchor, incienso Gaspar y olorosa mirra letra de Baltasar. Venid, reyes magos, venid al portal, seguid a la estrella que Dios guiará. De regalos vienen a adorar al niño, pero el niño solo quiere un mundo libre y en paz. Oro trae Melchor, incienso Gaspar y olorosa mirra le trae Baltasar. Thank you. veis a lo lejos, parecen los reyes magos, seguidos por su cortejo. Oro trae Melchor, incienso Gaspar, y olorosa mirra le trae Baltasar. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie. Il est 19h59, je vais bientôt rendre l'antenne à Radio Arc-en-Ciel. Autrement, je vais vous dire buenas noches et à lundi pour le balcon d'Espagne. Buenas noches et bon appétit. Adios. Bon appétit et bonne nuit. L'émission se termine. Amanhã Faro vai estar com 19 graus, Lisboa 18, Aveiro e Coimbra 17.